Bonjour. Et toi? Quoi? Vite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'heure des arts et spectacles. Avec Iwan Comtois? Eh oui. Tout un rap.